Mark Emdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 21. Dieu n'agrée pas les demandes indiscrètes qu'on lui adresse, comment il s'en irrite tout en y condescendant quelquefois. Certains hommes spirituels, présomptueux et peu vigilants pour mortifier leur curiosité naturelle, s'autorisent des réponses même du Seigneur pour chercher à connaître l'avenir par voie surnaturelle. J'admets que Dieu daigne leur répondre en effet, mais, malgré tout, cette manière d'agir, loin de lui plaire, lui est fort désagréable. Bien souvent il s'en irrite et s'en tient pour grandement offensé. Voici pourquoi, il est dans l'ordre qu'une créature ne sorte point des bornes naturelles que Dieu lui a prescrites. Or, Dieu a placé l'homme sous l'empire des lois raisonnables, prétendre les enfreindre en voulant arriver à la connaissance des choses, par voie surnaturelle, c'est sortir de ses limites, conduite à la fois injuste et imprudente, que Dieu ne saurait agréer. Mais, me dira-t-on, pourquoi le Seigneur répond-il quelquefois aux demandes qui lui sont adressées? Si elles lui déplaisent, elle y bien, moi je vous affirme que c'est parfois le démon qui répond à sa place, ou si la réponse vient réellement de Dieu, c'est incontestablement en considération de la faiblesse de l'âme, obstinée à suivre cette voie. S'il juge convenable de condescendre encore à ses désirs, c'est pour l'empêcher de se décourager, de retourner en arrière, de croire qu'il est mécontent d'elle, ou pour la mettre à l'abri de trop violentes tentations, enfin pour d'autres motifs connus de lui seul. La même condescendance le porte à faire goûter aux âmes délicates et tendres des joies et des consolations sensibles, non pas qu'il lui plaise de voir une âme savourer ses douceurs, mais parce qu'il se proportionne aux besoins et aux dispositions de chacune. Dieu est une source intarissable où chacun va puiser selon la capacité du vaisseau qu'il porte. Et si parfois Dieu distribue l'eau de sa grâce par des canaux exceptionnels, ce n'est pas une raison suffisante pour que l'âme se serve de ce moyen pour recueillir l'eau vive. À Dieu seul il appartient de la répandre comme il veut, quand et sur qui il lui plaît, sans que la créature y ait aucun droit. Nous l'avons déjà dit, si le Seigneur se montre favorable au désir et à la prière de certaines âmes simples et bonnes, c'est afin de ne pas les contrister par un refus. On comprendra mieux ceci par une comparaison familière. Un père de famille fait charger sa table d'aliments nombreux et variés, meilleurs les uns que les autres. Un de ses petits-enfants lui demande avec instance d'un de ses mets. Ce n'est pas le meilleur, mais le plus à son goût et le plus à sa portée. Le père connaît la faiblesse de son enfant. Il sait qu'il repoussera tout autre aliment, fût-il meilleur, car il n'aime que celui-là, il le lui accorde donc, mais à regret, de peur de lui causer du chagrin, et de le priver entièrement de nourriture. N'est-ce pas ainsi que Dieu en USA à l'égard des enfants d'Israël, qui lui demandaient un roi? Il accéda avec peine à une supplique qui devait tourner à leur désavantage. Écoutez la voix de ce peuple, disait-il à Samuel, concédez, lui le roi qu'il demande, ce n'est point vous, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne pas sur eux. Citation 1, Roi, 8, 7, de même les âmes qui ne savent pas ou ne veulent point, renoncer aux tendresses et aux douceurs spirituelles ou sensibles, contraignent Dieu, en quelque sorte, à leur octroyer des biens d'un ordre inférieur, en vue de leur faiblesse et de leur répugnance pour la nourriture forte et substantielle des souffrances et de la croix de son Fils, dont il aurait voulu les voir avides, préférablement à tout le reste, Je tiens cependant pour beaucoup plus préjudiciable de rechercher les connaissances surnaturelles que de désirer simplement les goûts sensibles, et je ne sais pas comment l'âme qui convoite les premières peut s'exempter de péché au moins véniellement, malgré ses bonnes intentions ou le degré sublime de ses vertus. Je fais la même application au directeur qui lui laisserait suivre cette voie, soit par ses ordres, soit simplement par son assentiment. Quelle nécessité y a-t-il de rechercher ces moyens extraordinaires? La raison naturelle, la loi et la doctrine évangélique ne nous offrent-elles pas des règles pleinement suffisantes pour notre conduite? Il n'y a point de difficultés impossibles à résoudre, ni aucun besoin auquel on ne puisse satisfaire par ses secours, qui sont à la fois agréables à Dieu et très avantageux pour l'âme. Appuyons-nous donc fermement sur la raison et sur les enseignements de l'Évangile, et si on venait à nous proposer une communication surnaturelle, qu'elle soit ou non en rapport avec notre inclination, acceptons, en uniquement ce qui est conforme à la raison et à la loi évangélique, même alors, il convient de considérer et d'examiner la chose de plus près encore, que s'il n'y avait point eu de révélation. Parce que l'esprit de mensonge manifeste souvent une foule de choses véritables et futures, afin de séduire plus facilement les âmes. Les fondements sur lesquels nous pouvons le mieux et le plus solidement nous appuyer dans toutes nos peines, nos tribulations et nos nécessités sont la raison, et l'espérance que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins, par les moyens qu'il jugera bon d'employer. Au surplus, ce conseil nous est donné dans les livres saints par la bouche du roi Josaphat, entouré d'une multitude d'ennemis et plongé dans l'affliction, il se mit en prière et s'écria, « Ô Dieu, quand nous ne savons plus que faire, notre dernière ressource c'est de tourner vers vous nos regards, 2, par 20, 12, afin que vous pourvoyiez à nos nécessités, comme vous le jugerez plus convenable. » Pour ce qui est des demandes de communication et de révélation surnaturelle, il me semble avoir fait assez comprendre que, si Dieu répond parfois à de semblables prétentions, il ne s'en offense pas moins, mais il sera bon cependant de le prouver encore par d'autres témoignages de la Sainte Écriture. Lorsque Saul évoqua l'âme du prophète Samuel, Dieu en fut irrité, comme Samuel le témoigna lui-même en adressant au roi ce reproche, « Pourquoi avez-vous troublé mon repos et m'avez-vous contraint à sortir de ma tombe ?» 1. Rois, 28, 15. Dieu accorda également aux enfants d'Israël la nourriture qu'ils demandaient, en faisant tomber dans leur camp une grande quantité de caille, néanmoins il s'en offensa. Et fit descendre sur eux le feu du ciel pour châtier leurs désirs déréglés, comme nous le lisons au livre des Nombres, et dans celui des Psaumes, ces viandes étaient encore dans leur bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, Psaume 77, 30, 31, lorsque sur l'ordre de Balak, roi des Moabites, le prophète Balaam se rendit auprès de ce peuple, il attira sur lui le courroux du Seigneur, malgré la permission qu'il en avait obtenue, Nombre, 22, 20, sur le chemin un ange lui apparut tout à coup, l'épée à la main, et le menaça de mort, en lui disant de la part de Dieu, « Je dis suis venu pour m'opposer à toi, parce que ta voix est perverse et qu'elle m'est contraire, Nombre, 22, 32. » Nous le voyons par ces différents traits, la condescendance de Dieu à satisfaire nos désirs imprudents, n'exclut pas son indignation, il serait donc superflu de rapporter tous les exemples et toutes les autorités des livres saints, qui viennent à l'appui d'une vérité aussi évidente, cependant je me sens pressé de signaler de nouveau les périls qui existent dans ce genre de rapport avec Dieu. Périls plus nombreux que je ne saurais le dire, quiconque s'attachera à une telle méthode s'exposera à une extrême confusion, et sa propre expérience le contraindra à confesser la vérité de ce que j'avance, à la difficulté de ne pas s'égarer par rapport aux visions et aux paroles de Dieu, vient s'en joindre encore une autre, c'est qu'une foule de ses faveurs ont ordinairement le démon pour auteur, comment alors les discerner, car il copie la manière de Dieu et il propose à l'âme des choses analogues aux communications divines, espérant s'introduire ainsi au milieu du troupeau, comme un loup revêtu de la peau d'une brebis, aussi à peine est-il reconnaissable, par conséquent, il est aisé de prendre le change et d'attribuer à Dieu des paroles et des visions dont les faits ont démontré la vérité. Ne vous étonnez donc pas si l'esprit de mensonge annonce des choses vraies et conformes à la raison, celui qui est éminemment doué de la lumière naturelle peut connaître, par la science des causes, les événements passés, ou deviner l'avenir. Or le démon possède cette lumière naturelle à un degré très élevé, il lui est donc facile, étant donné une cause, de conjecturer les faits, à la vérité, ses prévisions ne se réalisent pas toujours, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Citons un exemple à l'appui de cette assertion, le démon connaît la disposition de l'atmosphère et les influences du soleil. Il prévoit qu'inévitablement à telle époque la combinaison des éléments engendrera la peste dans tel pays, et que ce fléau fera plus ou moins de ravages dans certaines contrées. Est-il alors surprenant, je vous le demande, que le malin esprit dise à une âme, d'ici à 6 mois ou à 1 an la peste se déclarera, en effet il en sera ainsi, mais si vrai que soit le fait, la prophétie n'en aura pas moins été une prophétie diabolique. De même, le prince du mensonge, en voyant les cavités terrestres se remplir d'air, peut prévoir les tremblements de terre, et annoncer ensuite qu'à telle époque ils se feront sentir, mais cette prédiction résultera uniquement d'une connaissance purement naturelle. Certains faits extraordinaires et providentiels peuvent être également prévus d'après leur cause, c'est-à-dire d'après les justes motifs qui portent le Seigneur à départir les biens et les maux aux enfants des hommes. Par exemple, ne peut-on pas savoir, par une très simple déduction, que de toute nécessité, en raison de l'état de telle ou telle personne, de telle ou telle ville, Dieu fera intervenir sa providence ou sa justice, soit en infligeant un châtiment, soit en décernant une récompense. Dans ce cas, on peut dire avec certitude, à telle époque Dieu fera ceci ou cela, ou sans aucun doute, tels événements arriveront. C'est de la sorte que Judith parla à Holoferne quand, pour le convaincre de la réalité de la ruine qui menaçait les enfants d'Israël, elle lui dévoila leurs crimes et leur méchanceté et ajouta aussitôt, « Puisqu'ils se conduisent de cette sorte, ils périront infailliblement. » Judith, 11, 12, virgule. Donc la punition peut être prévue dans sa cause, autrement dit, tels péchés attireront tel châtiment de Dieu qui est la justice même. La sagesse divine l'assure, chacun est puni par où il pèche, SAP 11, 17. Le démon connaît ces choses non seulement par son intelligence naturelle, mais aussi par l'expérience qu'il a de la conduite du Seigneur en pareille circonstance, il peut donc les prédire avec certitude. Le saint homme Tobie prévit le châtiment de Ninive dans sa cause, et en avertit son fils en ces termes, « Écoutez, mon fils, aussitôt que vous aurez enseveli votre mère auprès de moi, hâtez-vous de sortir de cette ville, car elle n'existera plus, je vois clairement que son iniquité sera la cause de son châtiment ou de sa ruine complète. » Tobie, 14, 12, 13, l'Esprit de Dieu révéla à Tobie la destruction de Ninive. Toutefois le démon aurait pu l'augurer comme lui, d'une part à cause de la dépravation de cette ville, et de l'autre par l'expérience qu'il avait de la justice divine, châtiant les iniquités du genre humain par le déluge, et les crimes des sodomites par le feu. Satan peut encore connaître la faiblesse et les dispositions corporelles d'un individu, et annoncer ainsi d'avance la durée ou la brièveté de sa vie. Les faits de ce genre sont nombreux, et en même temps si compliqués et tellement pleins de subtilités, qu'on ne s'y dérobe qu'à la condition de fuir généralement les révélations, les visions et les paroles surnaturelles, aussi Dieu s'irrite. Il a bon droit contre ceux qui les admettent, car c'était mérité, présomption, curiosité que de s'exposer au péril qui en résulte, c'est laisser croître un rejeton de l'orgueil, qui est la racine et le fondement de la vaine gloire et du mépris des choses divines, c'est enfin ouvrir la porte à des maux incalculables, dont un grand nombre d'âmes ont été les victimes. Ces âmes excitent à un tel point l'indignation du Seigneur, qu'il les laisse à dessein s'égarer et la tomber dans l'aveuglement de l'esprit. On les voit abandonner les règles élémentaires de la vie spirituelle pour satisfaire leur vanité et leurs caprices. Alors se justifie le texte d'Isaïe, « Dieu a répandu au milieu d'elles un esprit de vertige, Isaïe, 19, 14, et de confusion, c'est-à-dire un esprit qui entend tout à contresens. Or, Isaïe applique cette parole à ceux qui cherchent à connaître par une voie surnaturelle les mystères de l'avenir. Dieu, dit-il, leur envoie un esprit de vertige, non pas que le Seigneur veuille effectivement les jeter dans l'erreur, mais il permet qu'ils y tombent, pour les punir de leur témérité à sonder des secrets impénétrables. Le Seigneur irrité leur refuse sa lumière, pour se conduire dans les voies où ils se sont engagés contre sa volonté. On peut dire ainsi qu'indirectement Dieu est cause de ce mal, qui consiste dans la privation de sa lumière et de sa grâce. Dieu donne de même aux démons la permission de tromper et d'aveugler bon nombre d'âmes, qui se sont attirées ce malheur par leur péché et par leur audace. Fort de ce pouvoir, Satan se transfigure en ange de lumière, ses âmes le prennent pour tel, et donnent créance à ses suggestions, de telle sorte que, parvint-on même plus tard à leur faire voir la vérité, il n'est plus possible de les désillusionner, tant l'esprit de vertige s'est emparé d'elles. Ce fut le triste sort des prophètes du roi Achab. Dieu les abandonna à l'esprit de mensonge, et donna l'avantage aux démons sur eux, par ses paroles, « Tu les tromperas et tu seras le plus fort, va et agis dans ce sens. » 3 Rois 22, 22. En effet, l'action du prince des ténèbres fut si puissante sur le roi et sur les prophètes, qu'ils refusèrent d'ajouter foi à la prédiction de Michée, qui était en contradiction avec celle des faux prophètes. Dieu les avait frappés d'aveuglement à cause de leur présomption, et de l'ardeur avec laquelle ils désiraient recevoir une réponse conforme à leurs inclinations, disposition de nature à les précipiter infailliblement dans l'illusion la plus profonde. Ézéchiel prédit au nom de Dieu la même infortune à celui qui ose prétendre pénétrer, par voie surnaturelle, les choses propres à satisfaire la vanité et la curiosité de son esprit. S'il vient trouver le prophète pour m'interroger par son intermédiaire, c'est moi, qui suis le Seigneur, qui lui répondrai de moi-même, et je le regarderai dans ma colère. Et lorsque le prophète tombera dans l'erreur et répondra faussement, c'est moi, qui suis le Seigneur, qui aurai trompé ce prophète. Ézéchiel, 14, 7, 8, 9. Ce passage doit se prendre en ce sens, qu'il ne soutiendra pas le prophète de sa faveur, c'est-à-dire, « Moi le Seigneur, je répondrai de moi-même, mais je répondrai dans ma colère. » Or, du refus de sa grâce et de sa protection, résulte indubitablement l'abandon et l'illusion. L'esprit de mensonge s'empresse alors de répondre selon l'attrait et les goûts de cet homme trop crédule. Celui-ci se complaît dans ses réponses et ses communications conformes à sa volonté, et se laisse engager dans les filets de l'ennemi. Peut-être paraîtrons-nous être sortis du sujet annoncé dans le titre de ce chapitre, mais si on y réfléchit attentivement, On verra que tout ce que nous avons dit vient appuyer notre dessein. En effet, toute idée montre comment le Seigneur s'indigne contre ces âmes curieuses et combien il condamne le désir de semblables visions, puisque, tout en daignant le satisfaire, il permet que les âmes y soient trompées de mille manières. Chapitre 22. Pourquoi est-il interdit, sous la loi nouvelle, d'interroger Dieu par une voie surnaturelle, comme il était permis de le faire dans l'ancienne loi? Réponse à cette question, elle nous donne l'intelligence des mystères de notre foi, passage des épîtres de saint Paul appliqué à ce sujet. Les doutes qui se multiplient sous nos pas, ne permettent point d'avancer aussi vite que nous l'aurions voulu. À mesure que nous les soulevons, nous sommes obligés d'y répondre, afin de donner à l'enseignement de la vérité toute son intégrité, et de lui conserver toute sa force. Du reste, il ressort un avantage de ces doutes, c'est que s'ils retardent un peu notre marche, ils servent d'autre part à mettre notre doctrine plus en lumière, ainsi que le prouve l'objection suivante. La volonté de Dieu n'est pas que les âmes aspirent à recevoir par voie surnaturelle les dons extraordinaires, comme les visions, les paroles intérieures, etc. Nous l'avons vu dans le dernier chapitre. D'un autre côté, nous savons que dans l'ancienne loi, cette manière de traiter avec Dieu était habituelle, et que non seulement elle était autorisée, mais encore que Dieu la recommandait, et reprenait les Israélites. Lorsqu'ils y manquaient, on peut le voir dans Isaïe, où Dieu reproche à son peuple de songer à descendre en Égypte sans l'avoir interrogé. Pourquoi avez-vous pris la résolution d'aller en Égypte sans me consulter? Isaïe 30, 2. Nous lisons aussi dans Josué que les enfants d'Israël ayant été trompés par les Gabaonites, le Saint-Esprit les blâma en ces termes. Ils prirent donc de leur vivre et ils ne consultèrent point le Seigneur, Josué, 9, 14. Moïse, les anciens prophètes et les pontifes consultaient le Seigneur en toutes circonstances, le roi David et tous les rois d'Israël le faisaient également avant d'entreprendre aucune guerre. Dieu leur parlait, leur répondait sans incriminer cette conduite, et leur abstention eût même été pour eux une faute. Telle est la vérité que nous transmet l'histoire. Pourquoi donc maintenant, sous l'ère de grâce, les choses ne se passent-elles plus comme autrefois? À ceci je réponds, si ces sortes de questions étaient acceptées dans l'ancienne loi, s'il y avait même des raisons de convenance pour que les prophètes et les prêtres désirassent des visions et des révélations divines. La raison principale c'est que les fondements de la foi n'étaient pas alors aussi bien assis, ni la loi évangélique aussi bien établie qu'actuellement. Il était donc nécessaire d'interroger le Seigneur, et de recevoir ses réponses, soit verbalement, par des visions ou des révélations, soit en figure et en symbole, soit enfin par des signes de toute autre espèce. Toutes ces paroles et ces révélations divines contenaient les mystères de notre foi, ou s'y rapportaient. Or, ces mystères n'étant pas l'œuvre de l'homme, mais celle de Dieu qui les a proférés par son Verbe, ou par la bouche de ses prophètes, il était indispensable aux hommes d'aller puiser à cette source céleste. Voilà pourquoi le Seigneur leur adressait de vifs reproches quand ils négligeaient de le consulter. Attendu que ses réponses devaient les guider vers cette foi qu'ils ne connaissaient pas encore, maintenant la foi du Christ a des fondements solides, la loi évangélique est promulguée, nous sommes dans l'ère de la grâce, il n'y a donc plus de raison pour employer ce mode interrogatif, et pour attendre les réponses et les oracles de Dieu comme on le faisait autrefois, en nous donnant son Fils, qui est sa parole unique et éternelle. Il nous a tout expliqué, et il n'a plus besoin de parler. Tel est le sens de ce texte, par lequel saint Paul engage les Hébreux à fixer uniquement leur regard sur le Christ Sauveur. et à mettre de côté cette première méthode de communication avec Dieu tolérée par la loi mosaïque, Dieu ayant parlé autrefois à nos pères, en divers temps et en diverses manières par les prophètes, nous a enfin parlé tout nouvellement dans ces derniers jours par son propre Fils, Hébreux 1, 1. Ces lignes du grand apôtre signifient que Dieu a si bien parlé par son Verbe, qu'il n'a plus rien à nous dire. En ce Verbe, qui est sa parole substantielle, est contenu tout entier l'enseignement partiel des prophètes. L'âme assez téméraire pour prétendre de nos jours interroger Dieu, et en obtenir des visions ou des révélations, lui ferait, ce me semble, une grave injure, parce qu'en le faisant, elle montrerait qu'elle ne se contente pas exclusivement du Christ. Dieu pourrait lui répondre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, Matthieu 17, 5, c'est-à-dire, je vous ai envoyé tous les biens par le Verbe, mon Fils, fixez les yeux sur lui seul, en lui je vous ai révélé toutes choses, vous trouverez en lui plus que vous ne sauriez désirer ni demander, vous souhaitez des paroles, des révélations, ou des visions, qui ne sont que des fragments de la vérité, vous en trouverez la manifestation totale en Jésus, il est toute ma parole, toute ma réponse, il est toute ma vision, toute ma révélation, en vous le donnant pour frère, pour maître, pour compagnon, pour rançon et pour récompense, j'ai répondu à vos demandes et je vous ai tout révélé, au tabord mon esprit s'est reposé sur lui et j'ai dit, lui et j'ai dit, celui-ci est mon Fils bien, aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le, gardez-vous donc de chercher de nouvelles doctrines, ou de solliciter d'autres réponses, si je parlais autrefois, c'était pour promettre le Christ, si mes serviteurs m'interrogeaient, leur demande se rattachait à l'attente et à l'espérance du Christ. C'est ce que démontre l'enseignement des évangélistes et des apôtres. Vouloir m'interroger actuellement et recevoir mes réponses, ce serait se déclarer peu satisfait du Christ, et offenser grièvement mon Fils bien-aimé. Cette source féconde de tous les biens comblera tous vos désirs, venez vous y désaltérer, en elle vous puiserez toutes les grâces des révélations, et de plus nombreuses encore. En effet, désirez-vous une parole de consolation, regardez mon Fils obéissant et triste jusqu'à la mort, par amour pour moi, et vous verrez combien de réponses consolantes il vous adressera. Voulez-vous connaître l'explication des choses cachées et les mystères des événements futurs, jetez les yeux sur lui, vous y découvrirez les secrets mystérieux et les trésors de la sagesse divine. Selon le témoignage de l'apôtre, en lui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, Colossiens 2, 3. Ces trésors de sagesse seront pour vous beaucoup plus admirables, savoureux et profitables, que tous les objets de vos propres désirs. Le même apôtre se glorifie de posséder cette unique science. Je n'ai point fait profession de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, 2. Enfin, si vous voulez avoir des visions ou des révélations divines et même corporelles, contemplez son humanité sainte, et vous serez ravis des merveilles qui vous seront manifestées. Saint Paul n'a-t-il pas dit, c'est en lui que la plénitude de la divinité habite corporellement, Colossiens 2, 9. Puisque Dieu nous a parlé par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'avons-nous besoin de l'interroger encore et d'attendre ses réponses, aspirer à recevoir des connaissances par des moyens extraordinaires, c'est signaler en Dieu une lacune, comme nous l'avons dit plus haut, les souhaiter. C'est encore une curiosité des plus blâmables, qui dénote l'imperfection de la foi, or cette disposition, loin d'attirer sur nous d'autres faveurs surnaturelles, est plutôt faite pour les en éloigner, au moment où le Christ expirait sur la croix, Il s'écria, « Tout est consommé, Jean, 19, 30. » Alors les cérémonies et les rites de la loi ancienne furent abrogés. Sachons donc prendre toujours pour guide la doctrine du Sauveur, de son Église et de ses prêtres. Seuls ces enseignements sont dignes de foi. En eux nous trouverons le remède à nos ignorances et à nos faiblesses spirituelles. Et nous y puiserons d'abondants secours pour toutes nos nécessités. Quelle ne serait donc pas la présomption de celui qui oserait s'en détourner, si peu que ce soit? Saint Paul écrit aux Galates. Quand même un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Citation 1, 8. En dehors de la voie tracée par le Christ, Dieu et homme, toutes les autres voies sont mensongères et ne mènent à rien. Celui l'a fait de vains efforts, qui a la prétention de traiter avec Dieu comme dans l'ancienne loi, au surplus, croyez le bien. Même à cette époque il n'était pas permis à tous d'interroger le Seigneur, et Dieu ne répondait pas sans distinction de personne. Il rendait ses oracles aux seuls pontifes et aux prophètes, dont la mission était de transmettre au peuple la loi et la doctrine. Quelqu'un désirait-il consulter Dieu? Il le faisait par l'intermédiaire du prophète ou du prêtre, et jamais il n'aurait eu l'audace de s'adresser directement à lui. Et si David interrogea plusieurs fois le Seigneur, c'est en qualité de prophète, encore ne le faisait-il pas sans être revêtu des habits sacerdotaux, comme on le voit au premier livre des Rois, quand il dit au prêtre Abiathar, « Appliquez-moi les faux. » 1. Rois, 23, 9. C'était un des principaux vêtements des prêtres. D'autres fois il s'adressait à Nathan, ou à d'autres prophètes, pour consulter le Très-Haut. La parole des prophètes inspirait alors une entière créance, comme étant celle de Dieu même. Il n'était pas permis de s'en rapporter à une appréciation personnelle quelconque. Et ceci à tel point que les oracles divins n'avaient aucune force, ni aucune autorité, s'ils n'étaient sanctionnés par les prophètes et par les pontifes. Dieu aime tant voir l'homme gouverné et dirigé par son semblable, qu'il nous ordonne d'une manière absolue de ne donner un entier crédit à ses communications surnaturelles, qu'à la seule condition de les faire passer par le canal des lèvres humaines. Alors, et seulement alors, nous pouvons nous y appuyer avec confiance. Lorsque Dieu révèle quelque chose à une âme, il l'incline en même temps à la découvrir à son représentant, et avant d'avoir obéi à cette inspiration intérieure, elle n'est pas pleinement satisfaite. Le Seigneur veut que l'homme trouve la sanction de la vérité dans la parole d'un autre homme, qui est son ministre. Il est écrit au livre des Juges que, malgré l'assurance réitérée de la victoire que lui avait donnée le Seigneur, Gédéon doutait encore de vaincre les Madianites. Dieu lui laissa cette pusillanimité, jusqu'au moment où il reçut de la bouche des hommes la confirmation de la promesse divine. Le voyant donc si abattu, le Seigneur lui dit, « Levez-vous et descendez dans le camp, et, lorsque vous aurez entendu ce qu'ils diront, vos bras deviendront plus forts. » Et vous descendrez ensuite avec plus de sécurité pour attaquer vos ennemis, Judith, 7, 9. Il en fut ainsi, car ce vaillant soldat ayant entendu un Madianite raconter à son compagnon un songe qu'il avait eu pendant la nuit, et qui annonçait leur défaite, sentit son courage se ranimer, et livra la bataille avec une entière confiance. L'exemple de Moïse est bien plus admirable encore. Dieu lui avait commandé d'aller délivrer les enfants d'Israël, il avait motivé ses ordres et les avait, de plus, confirmés par des prodiges tels que la verge changée en serpent, et la guérison instantanée de la main de Moïse, qui avait été soudainement couverte de lèpre. Néanmoins le libérateur du peuple de Dieu restait faible, timide et irrésolu. Malgré le mécontentement du Seigneur, irrité de ses hésitations, Il ne prit courage qu'après avoir entendu ces paroles. Je sais qu'Aaron, ton frère le Lévite, parle avec facilité. Voilà qu'il sort lui-même au devant de toi. Et à la vue il se réjouira en son cœur. Parle-lui et fais-lui part de ce que je j'ai dit et moi je serai en ta bouche et en la sienne. Exode 4, 14, 15. Moïse se sentit alors fortifié à la pensée d'être consolé et soutenu par les conseils de son frère. Tel est l'état de l'âme humble qui n'ose pas traiter seul à seul avec Dieu, et dont la sécurité n'est pas complète sans une intervention humaine. Dieu le veut ainsi. Lorsque plusieurs s'assemblent pour délibérer sur une vérité, il vient au milieu d'eux pour la leur manifester et la confirmer dans leur esprit. Ainsi qu'il promit à Moïse et à Aaron de parler par la bouche de l'un et de l'autre, quand ils agiraient de concert, là où deux ou trois personnes se trouvent assemblées en mon nom, pour examiner ce qui concerne davantage ma gloire et mon honneur. Je me trouve au milieu d'elles, Matthieu 18, 20, pour faire luire dans leur cœur la splendeur des vérités divines. Notez bien que le Seigneur ne dit pas, là où il y en aura un seul je serai avec lui, mais, là où ils seront au moins deux, pour nous apprendre qu'il est interdit à l'homme seul de juger les choses divines, de s'y appuyer, de s'y attacher sans le conseil et la direction de l'Église et de ses prêtres. Dieu ne se tient pas auprès de celui qui s'isole, pour lui manifester ses vérités et les affermir dans son cœur. Aussi la vérité demeure telle en lui sans force et sans ardeur. L'Ecclésiaste s'écrie, malheur à l'homme seul, car lorsqu'il sera tombé, il n'aura personne pour le relever. Si deux dorment ensemble, ils se réchauffent l'un l'autre, c'est-à-dire, par le feu de la charité qui est au milieu d'eux. Mais comment un seul se réchauffera-t-il? Comment ne sera-t-il pas froid à l'égard de Dieu? Quelqu'un peut avoir l'avantage sur un homme seul, et c'est le démon qui prévaut ainsi contre ceux qui veulent se conduire seuls. Mais deux lui résistent, Ecclésiaste 4, 10, 11, 12, à savoir le maître et le disciple, qui sont réunis pour connaître la vérité et la mettre en pratique. L'homme isolé se sent ordinairement faible, tiède dans l'interprétation de la vérité, lors même qu'il l'aurait reçue de la bouche de Dieu. Saint Paul, après avoir beaucoup prêché l'Évangile, qu'il disait tenir de Dieu et non des hommes, n'eut pas de repos avant d'avoir été conféré avec Saint Pierre et les autres apôtres, de peur, disait-il, que je ne fournisse ou que je ne vienne à fournir une carrière inutile, Galates 2, 2. Il est donc fort téméraire de donner son assentiment aux révélations divines, à moins d'observer l'ordre que nous venons d'établir. Eussiez-vous la même certitude que Saint Paul sur la vérité de l'Évangile, dont il avait commencé la prédication, fût-il avéré que la révélation vint de Dieu, vous pourriez, malgré tout, tomber dans l'illusion. Par rapport à son exécution et aux circonstances qui s'y rattachent, Dieu n'est-il pas libre de révéler une chose sans découvrir l'autre, et sans indiquer le moyen de l'effectuer? Les rapports fréquents et familiers qu'il a avec une âme ne l'oblige pas à lui communiquer habituellement ce qu'elle peut apprendre par l'entremise et le conseil des hommes. Saint Paul le savait bien, puisqu'assuré de la vérité de la doctrine évangélique qu'il avait reçue de Dieu, il ne laissa pas que d'aller consulter le collège apostolique. En voici encore une preuve saisissante tirée de l'Exode. Dieu, qui avait des entretiens si intimes avec Moïse, ne lui donna cependant jamais par lui-même le conseil salutaire de Jéthro, son beau-père. Celui-ci l'engagea à choisir d'autres juges pour l'aider dans son ministère, afin de ne pas tenir le peuple dans l'attente depuis le matin jusqu'au soir. Choisis d'entre tout le peuple des hommes valeureux et craignant Dieu, en qui soit la vérité, qui juge le peuple en tout temps. Exode 18, 21, 22. Dieu approuva cette sage mesure, qu'il n'avait pas cru devoir suggérer lui-même à Moïse, parce qu'elle ne dépassait pas la portée du jugement et du conseil de l'homme, il agit de même dans l'ordre des visions et des paroles intérieures. Son intention est que les hommes aient recours aux moyens humains, excepté pour les choses de la foi, qui surpassent tout jugement et toute intelligence créée, sans toutefois leur être contraire. Si vous avez l'ineffable bonheur de converser familièrement avec Dieu et avec ses saints, ne vous imaginez pas qu'il s'engage par là même à vous dévoiler tous vos défauts, si vous pouvez les connaître par un autre organe. Au lieu de vous appuyer sur cette fausse espérance, rappelez-vous ce qui est rapporté dans les Actes des Apôtres. Saint Pierre, chef de l'Église, instruit directement par le Seigneur, se trompa en maintenant parmi les gentils usages d'une certaine cérémonie judaïque. Néanmoins Dieu gardait le silence, au point que saint Paul fut obligé de reprendre Pierre, comme il l'affirme lui-même, « Mais quand je vis que les disciples ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, devant tout le monde, si vous qui êtes juifs, vous vivez à la manière des gentils, et non pas à celle des juifs, pourquoi contraignez-vous les gentils à judaïser ?» Galates 2, 14. Au jour du jugement, on verra le Seigneur punir des âmes qu'il avait honorées ici-bas de ses entretiens familiers, et favorisées de ses dons et de ses lumières. Trop confiantes dans leurs rapports habituels avec Dieu, elles ont négligé les devoirs de leur état, et encourront ainsi ses justes reproches. Dans leur étonnement, elles s'écrieront alors, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom, n'avons-nous pas chassé les démons en votre nom et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en votre nom ? » Et le Seigneur leur répondra, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites des œuvres d'iniquité. » Matthieu 7, 22, 23. De ce nombre seront le prophète Balaam et ses semblables, à qui Dieu daignait faire entendre sa parole, quoiqu'ils fussent pécheurs. Les élus de Dieu, ses amis privilégiés, attireront ses réprimandes pour les fautes et les imperfections qu'ils auront commises, et dont il n'était pas nécessaire que Dieu les avertît lui-même, puisque la loi et la raison naturelle suffisaient pour les instruire. En terminant ce sujet, tirons-en cette conclusion, l'âme doit confier à son directeur spirituel, en toute vérité, simplicité et ouverture de cœur, les faveurs surnaturelles qu'elle reçoit. Il lui semblera peut-être inutile d'en rendre compte, surtout si, d'après nos enseignements, l'âme a soin de les rejeter sans en faire cas, ce qui la met à l'abri de toute illusion. Toutefois, il est de la dernière importance qu'elle manifeste les opérations de la grâce, vision, révélation, communication spirituelle, distincte ou non, peu importe, et cela pour trois raisons. Premièrement, nous l'avons fait voir, la force, la lumière, la certitude et l'effet principal des dons divins, ne se font pleinement sentir à l'âme qu'après ouverture faite au directeur, établi par Dieu juge spirituel de cette âme. À lui appartient de lier ou de délier les consciences, d'approuver ou de blâmer leurs dispositions. Les autorités reléguées plus haut l'ont assez démontré. Tous les jours encore nous expérimentons comment les âmes humbles favorisées de ces dons ressentent, après en avoir parlé à qui de droit, une augmentation de force, de lumière et de sécurité, tandis qu'avant d'avoir fait cette ouverture, elles ne goûtent aucun repos, et ces grâces semblent ne pas leur appartenir. Deuxièmement, d'ordinaire l'âme a besoin d'être éclairée sur les choses qui se passent en elle, pour avancer dans la nuit obscure, c'est-à-dire pour progresser dans la nudité d'esprit et la pauvreté intérieure. Tout en ne désirant pas les grâces exceptionnelles, si l'âme est privée de cet enseignement, elle tombera sans s'en douter dans l'ignorance des voies spirituelles, et se verra bientôt assujettie à la vie des sens. Troisièmement, enfin il est bon de faire part de toutes ces impressions surnaturelles, lors même qu'on les regarde comme non avenues, afin d'entretenir l'humble soumission et la mortification. Il n'est pas rare de rencontrer des âmes qui ressentent une extrême répugnance à s'entretenir de ces faveurs. D'abord elles leur semblent peu importantes, puis elles se demandent comment les personnes à qui elles doivent en parler accueilleront leur communication. C'est là une marque de bien peu d'humilité, et pour ce motif même il faut précisément se contraindre à le faire. D'autres éprouvent beaucoup de confusion à les exposer, dans la crainte de faire croire qu'elles reçoivent des faveurs semblables à celles des saints. La pensée d'aborder ce sujet avec leur directeur est une vraie torture. Toutes ces craintes ne sont pas des raisons acceptables, au contraire, il faut absolument que les âmes se mortifient sur ce point, jusqu'à ce qu'elles soient devenues humbles, douces et promptes à se faire connaître, et qu'elles en arrivent même à le faire avec facilité. Si nous avons tant appuyé sur la nécessité de rejeter ces visions et ces révélations, si nous avons insisté pour recommander aux confesseurs de ne pas encourager les âmes à ces sortes d'entretiens, ce n'est cependant pas que les maîtres spirituels soient obligés de leur en témoigner du dégoût et du mépris, au point de leur donner occasion de se tenir trop sur la réserve, et de leur enlever le courage de les manifester, en fermant ainsi la porte à leurs libres aveux, ils les exposent à une foule de dangers. D'ailleurs, ces grâces sont un moyen, or, puisque c'est un moyen et une voie par où Dieu conduit ses âmes, il ne convient pas de les mépriser, et il n'y a pas lieu de s'en effrayer, encore moins de s'en scandaliser. Mais il faut procéder avec beaucoup de douceur, de bonté, de paix, et encourager les âmes en leur donnant la facilité de s'exprimer ouvertement. Au besoin même on devra le leur enjoindre. En effet, les âmes éprouvent parfois une difficulté si grande à faire ces déclarations, que pour les y amener, il ne faut rien négliger. On doit ensuite les diriger dans la voie sûre de la foi, leur enseigner à détourner les yeux de tous ces dons surnaturels, et les exhorter à s'en dégager d'esprit et de cœur, afin de prendre un libre essor vers les sommets de la perfection. On devra enfin les convaincre qu'une seule action, ou un seul acte de volonté fait par amour, a plus de valeur devant Dieu que toutes les visions ou les révélations célestes, et que beaucoup d'âmes, sans être enrichies de semblables faveurs, sont, sans contredit, infiniment plus avancées que d'autres, qui les ont reçues à profusion.